Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Just got him from Illinois, locked the front door up high. Got to sit down, take a rest on the porch. Imagination sits in, pretty soon I'm singing. Giant doming cartwheels, that you're wearing high heels. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Dinosaur be crawler, listening to the cover. Do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Watch, take your ride on the flying spoon. Doop to do one disappearation provided by magician. Do do do looking out my back door. Hey, guitar playing in the band. Won't you take a ride on the Flying Spoon? Doop-doop-doop-doop, welcome me tomorrow. Today I'll buy no sorrow. Do-do-do, looking out my back door. Trembles Illinois. Look the front door up, boy. Look at all the happy creatures dancing on the lawn. Bother me tomorrow. Today I'll buy no sorrow. Do, do, do, looking out my back door. Do, do, do, looking out my back door. Loving is hard and flowers in hand. Johnny Cash said.

Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Lorsque les mots reviennent tout au fond de moi, je les entends encore dans mon âme et mon corps. Ils brûlent ces mots si durs, si crus que tu m'as dit, je les ressens si fort dans mes jours et mes nuits. Mais l'âme t'aise en secret, cet amour que j'ai prouvé. Lorsque tes mots me laissent en voix dans le silence, tout est silence, je marche seul et sans confiance. Ces mots, un coup d'épée, ils tournent, tournent dans mes pensées. Lorsque mes mots ont du mal à sortir de moi, ils peinent à dire, redire tes mots tout autrement.

avec moi, je t'emmènerai dans mon pays. Connaître la joie, ce sentiment qui envahit. N'hésite pas, fais ta valise et allons-y, l'ami. Au Portugal, tu découvriras. Si tu es amusé, là tu seras gâté. Notre musique va te faire danser. La concertina chante, le fado nous enchante. Joie et bonheur à vivre, à partager. Yeah. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Je débute complexe, j'ai confiance en moi. Noyé dans la tendresse, je crois en toi. Ouais, parce que soudain, ouais, soudain tu es. Et tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Et alors pour moi c'est le jour J, un J comme joie. Ah. C'est le jour J, un jour qui me va. C'est le jour J, un jour plein de vie. Quand tu dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, oh pour

balance, on balance, mais toujours en cadence. Les épaules et le bas comme ça. Si c'est chaud, si c'est chaud, si c'est chaud, toi et moi. Vers le point le plus haut, on y va. On va danser, Kuduro. Sous les tropiques, en avant, la musique. On va danser, Kuduro. C'est la folie jusqu'au bout de la nuit. Viens danser, viens danser, viens danser. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Viens danser le Kuduro. En plein soleil et entre amis. En quelques heures, vite il bronze. En un quart d'heure, moi je rougis. Ouh, la paloma blanca. C'est un bien joli surnom. Ouh, la paloma blanca. Je l'ai trouvé ma chanson. Que tous mes amis au soleil fredonnent pendant que je suis sous un parasol. Je l'entends déjà, battre avec ton cœur. Toujours elle sera mon porte-bonheur. Ouh, la paloma blanca. C'est un bien joli surnom. Ouh, la paloma blanca. Je l'ai trouvé ma chanson. Je l'entends déjà, battre avec ton cœur. Toujours elle sera mon porte-bonheur. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bon après-midi avec... avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. À vous toutes, il est 13h passé de 30 minutes, et bien voici le retour de l'accordéon. Et oui, nous sommes le dimanche et puis aussi le premier jour du mois de décembre. J'ai oui, très très vite, nous sommes déjà le premier. Pour ça, on compte pas du tout, on compte plutôt sur les chansons, tout simplement. Voilà donc, on va tout simplement écouter, bien sûr, les musiques qu'on aime bien, et je vous laisse avec la valse, et puis juste après, la marche.

voici donc l'accordéon twist et puis juste après la bourrée. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Oh,

c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

voici donc la rumba. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. En passant par Grand Bornand, il y a des bonnettes, point de Matapan. Il y a des bonnettes, il y a des bonnettes, il y a des bonnettes pour les enfants. Il y a des bonnettes, il y a des bonnettes, il y a des bonnettes pour les parents. En passant par la Clusa, il y a des bonnettes, il y a des bonnettes. En passant par la Clusa, il y a des bonnettes, nous on aime ça. Il y a des bonnettes, il y a des bonnettes. Il y a des bonnettes à la Clusa, il y a des bonnettes, il y a des bonnettes, il y a des bonnettes, nous on aime ça. En passant par la Fraterie, il y a des bonnettes, il y a des bonnettes. En passant par la Fraterie, nous on s'en met jusqu'au nombril. Il y a des bonnettes, il y a des bonnettes.

Arc-en-ciel. Après cela, on va écouter bien sûr retour avec la Java et puis juste après tout simplement la salsa. Thank you.

C'est un fort joyeux homme, courageux et qu'un homme, vivant dans un songe bleu, il s'imagine heureux, travaillant sans relâche. Il accomplit sa tâche en chantant le long des jours une chanson d'amour. Ce soir par la fenêtre, il va voir apparaître sa femme et son jeune enfant, visage souriant. Aujourd'hui, on fête les rois mages. L'homme court sur le chemin, répétant ce refrain. C'est la belle nuit des rois, une fête de famille. Attablés garçons et filles, dans les coupes le vin brille. Le malheureux mange un roi, attablé sous les lumières. Ce soir c'est la première, c'est la belle nuit des rois. Thank you. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Jolie pastourelle, viens, je t'invite. C'est une java, tout comme autrefois. Allez, viens vite. Toi et moi, c'est du sérieux. Et les yeux dans les yeux, on gambille en cadence. C'est pas le tango langoureux, le slow des amoureux. Oui, c'est vrai que ça balance. C'est providentiel, jolie pastourelle. Le bal commence. Je suis là pour toi, oui, réserve-moi toutes les danses. Et si tout va bien, au petit matin, nous repartirons ensemble. Et nous chanterons toutes ces chansons que tu connais, il me semble. Confidentiel, jolie pastourelle, viens, je t'invite. C'est une java, tout comme autrefois. Allez, viens vite. Toi et moi, c'est du sérieux. Et les yeux dans les yeux, on gambille en cadence. C'est pas le tango langoureux, le slow des amoureux. Oui, c'est vrai que ça balance. C'est providentiel, jolie pastourelle. Le bal commence. Je suis là pour toi, oui, réserve-moi toutes les danses. Et si tout va bien, au petit matin, nous repartirons ensemble. Et nous chanterons toutes ces chansons que tu connais, il me semble. Voici donc le Madison. Thank you. Madison, vive le Madison. Allez, allez, si tu veux danser, te défouler et bien t'éclater. Tous les copains te donneront la main pour bien balancer, il faudra chanter. On est deux pour danser le slow. Vive Madison. Allez, allez, si tu veux danser, te défouler et bien t'éclater. Tous les copains te donneront la main pour bien balancer, il faudra chanter. On est deux pour danser le slow. Mais quand on est sans personne, on est deux pour danser le slow. Mais quand on est sans personne, vive le Madison. Mais quand on est sans personne, vive le Madison. Vive le Madison. Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc la musette. Voici donc, eh bien, plutôt le passe-double. La musette, eh bien, c'est juste après le passe-double. soir à la feria de Malaga, mon cœur fut enflammé par la magie de la plus jolie des señoritas. Elle dansait au son des castagnettes sur un rythme endiablé de fandango. Bien avant que la musique s'arrête, elle fut ovationnée par les bravos. Paquita, fille d'Espagne, des cheveux longs volant au vent sous un mirage. Paquita, la joie me gagne quand ton regard pose sur moi comme un orage. Paquita, tu es si belle, viens près de moi et surtout ne sois pas rebelle. Paquita, tu étincelles, tu m'en sorcelles et je veux t'aimer. Et je veux t'aimer. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. We'll be right back.

Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc le Charleston. Et puis juste après, eh bien, la rumba. J'aime les mélodies qui parlent du passé. Je suis un nostalgique. Je suis fan de Tino, Guettari, Mariano. J'ai 1045 tours de ces années en or. Ah, quelle jolie musique! Et je me fais des soirées romantiques et rétro. J'écoute Marinella et à Honolulu quand leur chancelle. La danseuse est créole, qui sasse, qui sasse, qui sasse, la vie est belle. Si le temps a passé, on n'a pas oublié ses ritournelles. Les chansons de papa égrenaient le refrain à tire-d'aile. Au son de la radio, les ateliers de couture étaient en fête. Yvette Giraud, Clavo, faisait chanter les ondes à tue-tête. Les cerisiers sont roses et les pommiers sont blancs, tu te rappelles. Viens danser avec moi car la rumba est éternelle. Viens danser avec moi car la rumba est éternelle. Sofre também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore mais. Gosto molhado pra você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Faça de conta que o teu pranto derramado são gotas d'água do oceano de ilusão. Todas caídas do azul dos vossos olhos, vintas do triste temporal do coração. Eu quero ser o sol da tarde para enxugar teu lindo rosto no verão do meu calor. Com os meus beijos beberei todo o teu pranto para matar a minha sede. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Porque o teu rosto se entristece e eu não quero ver você tão triste assim. Irá de novo clarear a nossa estrada quando você se decidir voltar para mim. Essa pessoa não merece o teu pranto. Volte depressa antes que seja pior. Tire da vida o que impede ser feliz. Para nós dois faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado para você não fica bem. Teu novo amor lhe maltrata o coração. Teu sofrimento só me faz sofrer também. Arc-en-ciel. Thank you. Voici donc, eh bien, je vous laisse avec le slow et puis juste après la marche. Pour la marche, eh bien, pour l'auditrice, elle comprendra pourquoi la marche, tout simplement. Elle verra très bien. Monde. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, il est 15h53, et bien voilà, la fin de l'émission touche bien sûr à sa fin. Voilà donc, on va terminer l'émission bien sûr avec le country. Voilà donc, on va se retrouver donc et bien dimanche prochain. Et bien si on se retrouve donc mardi et vendredi, toujours pareil à partir de 13h30. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor longe está, prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe volta, só para me ver. Muito boa tarde, são 3 horas no continente e na Madeira, 2 horas nos Açores. Isabel Cunha, que nos conta as notícias a esta hora. António Costa assinala que a Ucrânia tem o direito à independência, tal como Portugal, que hoje celebra o fim do domínio espanhol há 384 anos. No dia em que inicia funções como presidente do Conselho Europeu, em Kiev deixa um aviso claro, as ameaças nucleares são inaceitáveis. Na Grécia, na ilha de Rhodes, chuvas torrenciais provocaram cheias e os veículos estão impedidos de circular. 18 graus a esta hora no Porto, em Lisboa e em Ponta Delgada, 19 graus em Coimbra e 21 graus em Faro e no Funchal. Notícias às 3, edição de Isabel Cunha.